Tonight, we come together, bound by our faith, with genuine respect, and inheriting the legacy of a great party. This is not a perfect party. We are not a perfect people. Yet we are called to a perfect mission. Et bonsoir à tous et toutes. Bienvenue dans cette boîte à bordel où je vais vous présenter un label de musique électronique comme c'est un peu la ligne éditoriale, on va dire. Enfin, c'est pas un éditeur, c'est le but de cette émission si vous ne connaissez pas. Voilà. Je vous présente donc un label allemand de Berlin qui s'appelle Mechatronica. Et qui est très multi-influence. Voilà. Si vous suivez les émissions, vous habituez, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est plutôt breakbeat, techno, acide et un peu dub, dubstep, truc un peu futur dub, futur, tout ce qui est un peu hardcore aussi. Voilà. C'est un label qui rassemble un peu tout ça, et ça c'est bien. Alors c'est un label qui a été fondé en 2016 par trois producteurs, Electrodon, Mejle et Daribone. Voilà. Et donc c'est un regroupement, j'avais marqué, donc de genre et de mélange pour éveiller les sens. On est plutôt sur des balades mélodiques avec des bonnes basses, des kicks et autres beats bien posés pour se stabiliser ses appuis et garder son cerveau dans sa boîte crânienne. On peut sur une petite heure de. On va faire une petite heure oui, de petits mix. Vous aurez quelques petits enchaînements. Alors au début plus de breakbeat et puis vous verrez un peu sur la progression. Et puis je vous présenterai un petit peu ces artistes, voilà, qui sont très diverses au niveau des lieux géographiques de provenance. Ah, ça fait un sacré melting pot, c'est sympa. À la fin de l'émission, je vous ferai une petite rubrique nouveauté. Et puis on aura le petit qu'est-ce que c'est. Et puis je vous présenterai aussi quelques petits événements qui ont lieu dans le coin, on va dire, un petit peu ailleurs, mais globalement dans les environs du Stéphanois. Et voilà, hein, on va arrêter de parler. Et en tout cas moi. Et puis je vais vous dire, parce que on est un, ouais, comme beaucoup de gens. Mais moi, en tout cas, je vais aller à l'essentiel, c'est-à-dire essayer de vous satisfaire. Dans des boucles lancinantes, répétant les mêmes schémas en faisant évoluer progressivement le pattern jusqu'à ce que libère l'extase hein, qui nous met en transe. Voilà. Un parallèle à mettre avec nos existences où nos schémas de vie répétitifs finissent par se libérer de leur chaîne en forme de boucle soudée entre elles. Je sais pas si vous avez tout compris, mais en gros, je pense que la musique, je fais un parallèle souvent avec notre vie, hein, de début fin. Voilà, il y a la naissance et la fin, la mort. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'un morceau de musique répétitif, on a l'impression que c'est comme un petit bout de notre vie, mais tout petit. Et on recommence quand c'est de la musique répétitive. Alors on refait encore la même erreur. Et puis des fois ça évolue, il y a des micro-changements, etc. Alors j'espère que vous le voyez un petit peu comme ça, mais bon, peut-être pas, on s'en fout. Allez, on commence avec un producteur qui s'appelle Data Wave. Oh, on est un peu sur des sons un peu à inspiration du gaming. Et puis après, on a un autre artiste qui s'appelle Gamma Intel. Voilà, c'est pas du gaming, hein, mais... Il y a des inspirations et c'est cool. Moi, je dis multi-influence. Enfin bref, on est parti, vous êtes parti, nous sommes partis. Allons-y, voilà, tout ça. Mmh. Petite pause. Ah, ça va vite, ça va fort. Hop, dès le départ, comme ça au moins, paf, vous êtes pris dans le piège. Et bon, peut-être pas, mais bon, je vais essayer de vous dire qui c'est qui est passé. Alors, en premier, c'était Gamma Intel. En fait, j'ai dit dans le désordre. Et c'était un morceau qui était sorti en 2021 qui s'appelle Magnetic Practice sur un album qui s'appelle Effortless Imagination. Et le producteur, donc, c'est Gamma Intel qui est de Rotterdam. Hein, on le sent un peu. Bon, enfin, c'est pas aussi hardcore que les Rotterdameurs, mais enfin, bon, au moins, voilà. Enfin, un gars de Rotterdam avec un nom à particules, hein, Lorenz van de Werken. Bon, il s'est reconverti, lui aussi. Il est revenu dans le droit chemin, entre guillemets. Après, on avait Data Wave avec un morceau qui s'appelait Catalyse sur un album qui s'appelait Mindscapes. Voilà. C'était sorti en 2018 et c'est un artiste bruxellois, lui, pour le coup. Gaëtan Vaution. Ouais, c'est rigolo. On a les noms, on saura tout sur eux, on va les stalker après. Après, on avait Etcher, pas comme Stéphane, hein, mais Etcher, E-T-C-H-E-R, avec un morceau qui s'appelait Super Translation, hein, comme mes super transitions, sur la première compile en fait de Mécatronica, avec un A à la fin et pas un O. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, c'était sorti en 2016. En fait, le label, comme beaucoup de labels, font des compilations, on regroupe des artistes pour les faire découvrir. Et voilà, c'est un artiste qui vient de Suède. Voilà. C'est beau, hein, le métissage, enfin, beaucoup du Nord, quand même. Après, on avait Assembleur Code et Jan et Janssen Interceptor. Le morceau s'appelait Random Pain sur un album qui s'appelait Vapor Waves. Lui, par contre, c'est un Australien. Mais bon, voilà, issu de l'immigration, sans doute britannique. Ils étaient sortis en 2018, enfin on s'en fout, mais bon, c'est pour dire, voilà, enfin, c'est une constatation. Et lui, il a été remixé par The Hacker, l'artiste grenoblois voilà, que vous connaissez, peut-être. Et pour finir, on s'est écouté Amy Reed, lui, donc c'est un Anglais qui vient de Bristol, et c'était sorti en 2022, le morceau s'appelait Ben Pest, et l'album c'était Strict Souls. Alors on continue hein, dans cette petite sélection. Voilà, et on va aller un peu, peut-être moins vite, ou peut-être différemment, un peu plus trippy, un peu plus dreamy, un peu plus, catchy. Hein. j'utilise le vocable à peu près. Bon, enfin, c'est pas encore ça, mais bon. Ouais, c'est comme les images. Des fois, ça sert à rien d'expliquer, mais c'est bien quand on arrive à décrypter ce qu'on ressent. Mais bon, les oreilles, les choses, ouais. C'est comme on a découvert de nouvelles couleurs. C'est fou, hein, mais c'est quelle couleur, mais je ne sais pas, mais c'est une nouvelle couleur. Bon, admettons. Allez, le morceau s'appelle Émetteur, pas Ermiteur, ça c'est moi. Et l'artiste est Vertical 67. Après, on aura un groupe qui s'appelle Drug Culture. Et après, on aura Control S, Noroi et le petit français du label Umwelt, comme son nom l'indique. Voilà, next. We'll be right back. Et vous êtes toujours sur Radio Duo et il se passe des choses un peu peut-être fortes pour vos enceintes, mais tout va bien, on est dans la boîte à bordel. Si c'est pas toujours bien, c'est pas grave parce que le monde est bordélique, alors on peut s'excuser de ne pas être parfait d'abord. Voilà, et on vient d'écouter Umwelt avec un morceau qui s'appelle Mankind Origin. C'était sur la compilation du label que je vous présente, mais... Katronika, comme It Begin in Africa. Et du coup, c'était une private joke. Et c'était sur le label. Donc le label, ça je viens de lire. Mais la compile, c'était Metronika 02. C'était sorti en 2017. Voilà. Et son nom à lui, c'est Frédéric André Bernard Poncé. Umwelt, c'est plus cool. Après, on avait avant Noroi. Moi, je dis Noroi, je trouve que c'est plus marrant. C'est comme le roi Summer. J'adore cet artiste qui est du côté du Lyonnais d'ailleurs. Mais bon. Ouais. Mais bon, là, c'est un autre délire, on va dire. Là, par contre, son morceau s'appelle Britain Seaside Weather. Et c'était sorti sur un album qui s'appelait Hurt plus Blade. Ça fait. Le cœur et la lame, comme Blade Runner ou le jeu là, Blade of Blast, oh, je ne sais plus comment ça s'appelait, avec le truc japonais, là, c'était marrant. Voilà, c'était sorti en 2024, ce petit morceau un peu jungle bien énervé. Avant 2023, il y avait Control S donc, qui avait sorti un morceau qui s'appelle The Wash sur un album éponyme. Lui, c'est un producteur danois. Hein, voilà, je trouve ce son assez atypique au niveau recherche sonore. Et il y a pas mal de sons qui sont importés de captation sonore. J'aime bien quand tout est mélangé. Oh là là, un bon bordel. Avant, c'était Drug Culture. Alors, DRVG, plus loin, CVLTVRE. Et Ctrl S, ah oui, c'est CTRLS, mais bon, Ctrl S, quoi. Donc, Drug Culture, c'était un morceau très revendicatif, hein, puisqu'il dit ce morceau My Millions of Dead Politicians. Et c'était sorti sur la compilation Mechatronica 04. Et c'est un artiste de Tilburg, un néerlandais. Et cet artiste, lui, Drug Culture, est aussi actif dans la scène punk et black metal. Voilà, c'est marrant, hein, il fait aussi un grand écart dans les genres musicaux. Est-ce que c'est un grand écart ? Est-ce que la musique classique est à l'opposé de... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire. Hein, parce que, comme la gauche, la droite, le plus, le moins, est-ce que dans les musiques, il y a une espèce d'éventail avec des oppositions ? Voilà, est-ce qu'il ne faut pas considérer juste les genres tels qu'ils sont, sans dire... Je sais pas, enfin moi j'ai des réflexions comme ça qui me viennent d'un coup, la prise de conscience, non mais bon. Et avant donc on avait Vertical 67 hein, et le morceau Emitter sur un album qui s'appelait Mirrored. Et lui c'est un berlinois et c'était sorti en 2024. Voilà. Ah oui, Drug Culture, il a aussi un autre truc bien marrant, c'est qu'il a un label qui s'appelle Vatican Analog, entre autres. Je trouvais ça drôle. Et j'aime bien, c'est rigolo. Voilà. Alors après, hein, on va aller aussi dans des sons un peu italo-disco. Hein, voilà, pour vous dire, hein, ils vont loin hein, dans des propositions. Et puis, il y a un peu des choses, qu'est-ce que je pourrais dire ? Y a par exemple Cardo Pusher hein, qui est qui a été certainement très inspiré par le générique de Supercopter et dans les synthétiseurs et de ce que j'appelle moi la batterie AB Production, une batterie des années 80 très très très voilà sèche un peu bon bref Donc ça, je vais vous passer. Un artiste vénézuélien, c'est cool, en tout cas, moi j'aime bien ce qu'il fait, qui figure dans ce label. Là, maintenant, tout de suite, on aura Dari Bone, hein, qui est un des fondateurs du label, qui est à la base, lui, chilien, et il est basé à Berlin. Et voilà, un morceau qui est rigolo aussi, avec des originalités, que vous découvrirez. Après, on a Norwell, Inner Shades, et Field, qui est lui, c'est un duo polonais, ouais, c'est marrant. Avant, c'était des Belges. Et Norwell, il est de Budapest. Voilà. Et après, on se finira avec LFT, qui veut dire Love, First Fist, je ne sais pas comment on dit, Tears. Et lui, il vient de Hambourg, comme les hamburgers. Et Berlin. Et voilà, c'est les morceaux de fin. Et un dernier artiste, ce sera le morceau de fin de fin, qui s'appelle Sarin. Comme le gaz sarin, et c'est pour ça qu'il s'est nommé comme ça, qui est iranien, lui, pour le coup, et qui a une atmosphère très dark à l'image du gaz sarin. Ah, ça promet, voilà. Donc c'est vrai qu'il beaucoup de choses à exprimer, certainement, de fait de son origine géographique, on va dire. Et c'est marrant parce que cet artiste se produit à Berlin ce soir, à un club qui s'appelle Urban Spree. Hein, le Spree, c'est le cours d'eau qui passe à Berlin. Et la soirée se passe de 17h à 1h les dimanches. Voilà. C'est cool, hein, ces petites soirées d'after. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous ai dit quoi? Que je passais qui? Dari Bone. Ouais. Alors, ben, let's go. Hein. Il est 9h44, Radio Joe sur la boîte à Bordil. Non, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu que je le dise. Parce que lui, il est, chilien dans un label allemand. Enfin. Ah, ça claque. Ah, j'ai été un peu brutos. Désolée, excusez-moi. Mais bon, vous avez l'habitude. only two arms, but the strength comes because what I represent to my people. And why, I don't know why you think that you are superior. And fundamentally, you are not unjust people. You have just been living in an unjust world for so long. With the new realities of the world. And fundamentally, you are not unjust people. You have just been living in an unjust world for so long. But you will accommodate with the new realities of the world. We won't be pushed around. Wish a war, but if it is imposed on us, we will not shrink. The new realities of the world. The new realities of the world. Sorry, the new realities of the world. Et ainsi s'achève cette sélection du label Mechatronica dans la boîte à bordel. Et il est 22h20 et je vais vous dire alors. Mais rassurez-vous, si vous cherchez la tracklist, elle est dans le podcast de l'émission que vous retrouvez sur le site de radiodio.org. Si vous êtes sur votre radio FM, dans votre petite voiture sur Saint-Étienne, ou bien voilà ailleurs, vous pouvez aller sur radioaudio.org chercher. Voilà. Et du coup, vous pourrez réécouter et le tracklist, voilà, précisément. Donc, on vient d'écouter Sarin. Scarlett Porte, alias Sarin tout court, Emma de Dabiri. Le morceau s'appelle New Realities, comme vous l'avez pu l'entendre, sur un album qui s'appelle Devas, D-A-E-V-A-S, comme les dieux oui, qui vivaient à l'époque. Vous savez, en Iran, il y avait des anciennes civilisations. Voilà. Qui ont construit. Alors, j'ai lu dans un livre récemment, ils n'ont pas tout à fait encore fait des fouilles archéologiques dans ces zones, mais a priori, il y a des écrits qui disent qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Donc on ne sait pas tout, tout, tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, ouais, de récits historiques à refaire encore. Bref, juste avant, c'était LFT, hein, comme je vous ai dit, Love, Fist et Tears, hein, c'est dans l'ordre des choses. Ben, en général, voilà, mais vaut mieux pas en arriver là, avec le morceau Anti-Tune. Pas Tune la Tune, mais Tune la Tune, quoi. T-U-N-E. C'était un album qui s'appelait Red Pyramid. Juste avant, on avait Field, V-I-E-L-D, un duo polonais, avec un morceau qui s'appelle Invinetic, parce que c'est un album d'Italo Disco sur un album éponyme. Avant, on avait... ah mince, j'ai inversé. Ouais, j'ai dû inverser. Il y a Inner Shades avant, et avant LFT, là, et avant, donc Inner Shades avant LFT, avec le morceau Alst Transition sur l'album The Beginning. Et lui, c'était un bel show, j'avais dit. Et du coup, voilà, Phil Norwell avant, avec un morceau qui s'appelle Haute Arit, sur une compile qui s'appelait Ed. En fait, pendant le Covid, ils ont fait des compilations pour soutenir un peu les artistes qui étaient un peu sans ressources du fait de voilà, l'enfermement. Puisque en fait c'est un label aussi qui fait beaucoup dans l'événementiel, qui propose ben, des soirées dans des clubs en Allemagne ou ailleurs. Donc après il y a des productions physiques de leur album, mais bon c'est vrai que bon c'est pas toujours évident de se retrouver sans revenus. Donc voilà cette compilation, elle était donc sortie en 2020. Avant on avait Cardo Pusher avec le morceau Programmed to Consume. Tout consume sur un album qui s'appelait Fed with Lies, oui, il me semble. Bon, je sais pas, oui, ça doit être ça. Et avant 2019, Dary Bone, The Return of the Majordomus, le majordome, sur un album qui s'appelait Body Realism. Voilà, voilà, voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, on va. J'aime bien ce ion. S'enchaîner avec les nouveautés, les 22h23. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, je vais mettre un peu de musique pour combler les trous. Bon, vu que j'ai commencé un peu en retard, là, je finis un peu plus en retard. C'est pas grave. Alors, dans les nouveautés. Alors, il y avait un artiste que j'ai découvert comme ça par hasard qui s'appelle Ici. Alors, il est très compliqué à trouver dans le sens où Ici, c'est une occurrence assez utilisée par les producteurs de son. Et donc là, en l'occurrence, c'est un producteur de Grenoble qui s'appelle Richard Pesanti. Alors, peut-être que si vous trouvez Richard Pesanti et Ici, vous trouverez cet artiste. Donc il est autoproduit, hein, il n'est pas sorti sur des labels, mais bon, je l'ai trouvé sur un site de plateforme de streaming, mais je suis abonnée. Mais j'avais fouillé ça, je suis tombée dessus, je ne saurais vous dire, enfin bref. Et je trouvais que voilà, il pouvait faire partie de cette nouveauté, même si ça fait un an que c'est une nouveauté, mais enfin bon. Le morceau s'appelle Locas. Voilà, un peu aussi dans ses mouvances électromélodique, comme j'aime bien. Après, un truc un peu bizarroïde à la le fils spirituel de Square Pusher et un peu bon, Aphex Twin, mais Square Pusher découle d'Aphex Twin, mais bon, bref, c'est un Américain qui vient de l'Ohio et il s'appelle Indec et le morceau s'appelle Yope. C'est pareil, c'est une autoproduction. C'était sorti en novembre 2024. Et après, ben en fait, je vais vous présenter parce qu'il y a il y a plein de soirées. Alors je vais vous présenter deux artistes qui vont faire une soirée. Alors il y a à la gueule noire, j'avais noté le 24 mai, une soirée qui est au profit d'un toit pas sans toi, mais ce sera sans moi parce que je travaille ce soir, mais c'est pas grave. Du coup il y a Larsovitch, un producteur de synthpunk qui est sympa, que je vais vous voilà, partager un petit morceau, ça vous donnera peut-être envie, qui vient de Montpellier. Il y a Grand Ressac, un peu de la pop intimiste à Tex, Le Bruit, folk un peu plutôt rock, voilà, et Essel qui est plutôt... alors c'est un live machine, je sais pas, du coup je sais pas. Voilà. C'est dommage que je puisse pas venir, mais enfin bon, c'est tout, c'est la vie. Ça commence à 19h, il y a un petit buffet végétarien, voilà, au profit de l'association d'un toit pas sans toit. Voilà. Après, j'ai vu qu'au Clapier, alors le 17 mai, figurez-vous que c'est la nuit des musées ce week-end-là. Ah, il y a plein de trucs. Alors moi, personnellement, je fais un vernissage de photographie, bon, on s'en fout, à la Michel Chaplon. Il y a des cyanotypes qui vont être affichés dans les galeries vides du quartier Jacquard, si ça vous dit. Vous verrez pendant 2 mois, peut-être que voilà, la curiosité vous amènera à aller le 17 mai à 10h. C'est le vernissage. Bon, je travaille la veille, bon, je suis dans un état, ça va être sympa. Et donc, c'est Maxime Dizzy, voilà, qui avait animé, qui était un ancien de Radio Dio, qui passait de la musique turcus, c'était cool. Et ça n'existe plus, c'était bien, c'est bien dommage. Mais il fait des autres soirées ailleurs, mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller écouter ces soirées ailleurs. Voilà. Donc, le samedi 17 mai, il y a la Charbold School. Donc le collectif La Charbonnerie, donc ce sera près du stade Jean Gachet, hein, donc toujours dans le quartier Jacquard, hein, voilà, donc après le vernissage, il y a en fait une journée après-midi friperie, vente de vinyle, cycling de récup de choses, je pense par rapport aux vêtements, et puis il y aura un food truck, il y aura des bières de la brasserie de stéphanoise et du kombucha de Roche-Taillé qui est vraiment très très bon. Je trouve qu'il a un petit fumé qui est vraiment très bon. Voilà, donc si vous voulez y aller, c'est l'après-midi, donc près du stade Jean Gachet. Voilà, vous suivez le son, à défaut de suivre le leader. Après, le soir, j'ai noté qu'au Clapier, il y a une soirée organisée par les couloirs électroniques. On peut faire la liaison, même si elle est dangereuse. Donc, c'est les sources résonance, c'est le nom de... Les soirées résonance, pourquoi les sources ? Oh là là ! C'est les soirées résonance organisées par les couloirs électroniques. J'ai fait la liaison. Donc, c'est un peu plus violent que ce que j'ai passé. Hein. C'est du truc art trans, art techno, art rave, hein, ils disent. Techno, voilà, techno. Voilà, alors je me demandais aussi qu'est-ce qu'il y aura après le hard, tout ça. Il y aura le hyper hard, hein, comme je sais pas. Mais ça va être archi violent. Hein, c'est bon, bref. Et donc, il y a un artiste stéphanois que j'ai noté qui s'appelle Vasco, pas le Vasco à pas confondre, hein, le groupe sympathique, mais c'est Vasco tout court. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un petit morceau, un techno sympathique, c'est pas trop trop violent ça encore, qui s'appelle Infinite Darkness, c'est le Darkness. Et donc, il y aura des artistes tels que Rabeteux, Tars, Mistral, Ashko et Midori, et donc le Vasco. Voilà, bon, ça peut être sympa, hein. C'est 12 à 15 euros l'entrée, et ils cherchent des bénévoles. Voilà, si vous avez envie d'aller au Clapier, clapiclopin, clopiclopin. Voilà. Après, dans les autres soirées qui coûtent cher, alors il y a Dour Festival, j'ai vu une affiche de dingo. Enfin bon, vous verrez bien si vous avez des sous et du temps et tout ça. Et les nuits sonores qui se rapprochent. Du 28 au 1er juin, hein, c'est hyper cher, oh la vache, hein, la dernière minute, heureusement, bon, voilà, parce que je me suis inscrite comme bénévole et ils ne prennent plus de bénévoles, il y a eu tellement de gens qui se sont inscrits parce qu'ils ont certainement envie d'être bénévoles, que, voilà, je serai un auditeur libre, c'est pas plus mal finalement. J'irai que deux. Moi, j'irai le jour. Hein. Moi, je pense que je commence à plus faire des nuits. Hein, voilà. Puis la programmation de jour m'intéressait sur certaines soirées. Moi, je ne vais pas à toutes. J'ai pas pu avoir le pass. Enfin, bon, c'est pas bien grave. Mais bon, quand même, une quarantaine d'euros par jour. Et puis la nuit, vous reprenez un billet. Plus les boissons. Plus. Bon, voilà. Alors, ça se passera malgré tout dans les grands locaux à Oulin. Et il y aura au Sucre et d'autres lieux sur Confluence, hein, vous connaissez. Donc. Mais bon, il y aura quand même une programmation sympa, voilà, bon, avec des ateliers, des choses comme ça. Jeff Mills quand même, hein, attention, voilà, qui fera une prestation en lien avec son film qui c'est pas The Bells, mais c'est le film muet. Ah, pas Astropolis, comment ça s'appelle, mais pas Metropolis, enfin bref, je voilà le film. Ouais, il refait, voilà. Et il y a en tout cas des artistes comme Am, Aneta, Chloé, Hélène Alien, Digital Mystics, Elena Aouf, Irène Dresel, qui est française, Jeff Mills, dont je disais, Jennifer Cardini, bon compromat, qui tourne beaucoup, hein, j'ai vu dans les festivals, ils sont bien, bien, ils attirent du monde, ils s'annoncent, et puis après, tout le monde qui vient. Il y a LB à Calabat, Luke Vibert, c'est pour ça que j'y vais. Il y a Luke Vibert. Oh là là là là, je suis trop contente de le voir en vrai. Il y a Manuel Malin, que j'ai vu au Positive Education, mais il est là-bas. Il y a Robert Hood, Shlomo, Simosel, Speedy G, Flore, oui, The Blessed Madonna, etc. etc. Puis il y a plein que j'ai pas eu le temps d'écouter encore, mais je vais prendre le temps d'aller chercher. Voilà. Mais ça a quand même une programmation voilà, des vieux de la vieille. C'est pas mal. Voilà, mais après, ouais, c'est sûr que c'est trop entendu tout ça, peut-être. Voilà, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Je résume. Je vais vous passer deux morceaux de nouveautés. Donc, ici, Indec, Larsovitch et Vasco. Voilà, 22h33. Alléluia. Ah, et voilà. Alors, j'ai dit. Ah oui, il faut. Pardon. Oh là là. C'est pas grave. On est en fin de soirée. J'ai fait un peu la technique avant. Et j'ai toujours pas réglé ce problème de Q. Allez, Locas, comme moi, le morceau de ici et maintenant. We'll be right back.

prends l'antenne. Et je reprends l'antenne. Et voilà, c'était fini. Tout est fini, ou presque. Ah non, il reste encore un truc. Il est 22h54. Et qu'est-ce qu'on passe à la fin, normalement? Eh ben si, ouais, le qu'est-ce que c'est. Et j'avais envie de passer un qu'est-ce que c'est assez sympa, voilà. J'ai regardé en une énième fois Ciao Pantin, voilà, c'était beau, oh là là. Et c'est vrai que le morceau du début m'avait intrigué et là, j'ai dit, mais il faut que j'aille chercher quand même ce que c'est. Et en fait, c'est Charlélie Couture, je sais pas si vous connaissez cet artiste, comme un avion sans aile. Et donc je me suis dit, oh là là, ça serait bien de finir là-dessus finalement, puisque je devais avoir quelqu'un qui est malade, voilà, qui vient du village du Pilot, là-bas, qui n'est pas venu, et c'est pas grave, il viendra une autre fois, pour passer des skeudes, voilà. Et du coup, ben voilà, on va s'écouter ce petit morceau de fin, et voilà. Alors du coup, pour finir aussi, un non n'est toujours pas un oui. Et la notion de consentement, hein, non, n'est toujours pas oubliée. Et puis prenez soin de vous, hein, faites des choses en mai, hein, avec le soleil et entre les grêlons et les orages. Voilà, plein de bisous. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? C'est tout, hein, j'ai tout dit. Allez, goodbye, pas Lénine, mais Tchouk. Ça se termine un peu. Ah oui, Charlélie Couture sera à Caluire et Cuire bientôt. Regardez la programmation si vous avez envie de réécouter ce genre de morceau. Allez, tchuss! Des rêves qui s'embrument, des envies qui se balancent et des moteurs qui fument. Besoin de voyage à défaut d'amour, besoin de se perdre plutôt que souffrir. Besoin de courage à défaut de bravoure, besoin d'exorciser la violence d'un souvenir. Besoin d'un virage à défaut d'un détour, besoin d'accélérer plutôt que s'enfuir. Quand l'air mort grille le cœur, quand la mort fait trop peur. Dans la ville qui se referme, y a de l'alcool dans les veines, du feu sous l'épiderme, de la poudre aux yeux qui traîne. Besoin d'une image à défaut d'un discours. Besoin de bouger plutôt que subir. Besoin d'un peu d'humour à défaut d'un message. Besoin de se défendre plutôt que gémir. Besoin d'éclairage à défaut du jour. Besoin d'une amitié plutôt que se démolir.